You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Wow! On est là. On est là pour l'épisode numéro 84 de l'Horreur Gamer Show. Sébastien Bouchard au micro. Et aujourd'hui, c'est un épisode assez interstellaire. Merci. Parce qu'on a toute qu'un extraterrestre avec nous autres. J'ai nommé Vicky Langlois. Salut, oh, Vicky. Shit! C'est vrai, je suis toute un Vicky. Je suis bien d'accord avec cette affirmation. Comment vas-tu, Vicky? Hey, ça va bien, je fais un petit dodo avant le show, puis ça va bien, je suis sur le café. Drôle de nuit, mais ça va bien. C'est un petit dodo, café, tabarnouche. On va avoir une Vicky spéciale ce soir. Ouais, je pense qu'elle va prendre la place ce soir, la Langlois. C'est correct, parce que on a eu des petits bugs de micro avec moi au début du show, avant d'enregistrer, fait qu'on on sait pas ce que ça va faire, fait que si jamais ça bug trop, ben ce sera Vicky qui va être la queen du show. Hey, ce soir, c'est un épisode en duo, on est en tête à tête, j'ai pas mis de chandelle, puis j'ai gardé mes culottes, parce que quand même, on s'en va loin dans l'espace, le feu pogne pas, puis des culottes, ça a l'air que c'est important, parce que c'est GF. Et moi, j'ai tamisé mes lumières. T'as tamisé tes lumières? OK, c'est bon. T'as ton petit halo rose, ouais. Mauve là, autour de la tête, là, classique. C'est ça qui te fait un petit look extraterrestre, d'ailleurs. Hey, c'est un épisode spécial ce soir. C'est Jeff qui nous a suggéré ça au loin, entre deux changements de couche puis des siestes interrompues. On lui a demandé, coudonc, Jeff, qu'est-ce que tu voudrais qu'on parle? Fait qu'il nous a suggéré deux films de science-fiction des années 80, plus ou moins connus. C'est des titres que je connaissais, mais que je n'avais jamais vus. Et je pense que c'est la même chose pour toi aussi, Vicky. Effectivement, mais j'ai tellement d'anecdotes à compter sur ces titres-là, parce qu'en fait, tu dis qu'il nous a donné deux choix. C'est pas vrai. Il nous a donné quatre choix. Puis, toi, t'en as sélectionné un, tu m'as dit « prends l'autre ». Et pour ceux qui ont écouté le dernier épisode d'Horreur Gamer, peut-être que ça remonte à loin, là, si vous êtes comme moi, vous écoutez un après un autre de plein d'épisodes, à un moment donné, on perd le fil. Mais si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, on riait un peu de ciné-pop à chacun ses classiques, ça mettait à peu près n'importe quoi. Et là, quand que GF nous a proposé ses quatre choix, moi j'ai dit « Moi, je veux Enemy Mine, il est sur Cinépop, il va être facile à voir! » En effet. Et puis, les choix, ça a été Enemy Mine puis Last Starfighter, je sens pas. Ouais, exactement. Fait que Last Starfighter, qui, toi, t'as choisi celle-là, et moi j'ai fait « Moi, je veux Enemy Mine, il est sur Cinépop, je vais pouvoir le voir super facilement. » Et là, si tu me permets, de la Starfighter. Moi, je connais pas ça, mais en fouillant un peu sur le net, je me rends compte que c'est quand même un film culte. Là. C'est un film qui a vraiment ses adeptes, qui a ses fans, que les gens trippent. Et May the 4th be with you, je fais un événement spécial à la capsule autour de Star Wars. Puis là, j'étais assis avec des boys, puis là, ça jase. Puis là, il y en a un qui dit « En tout cas, moi, s'il y a un film d'espace que je devrais voir, ça serait de la Starfighter. Ça, c'était cool! » Et là, je me mets à rire parce qu'il est surtout en attente d'être écouté, puis je suis comme « Ben, maintenant que t'entends, je suis pognée pour l'écouter, justement. Après, comme, ah non, mais tu vas voir, c'est cool. Puis je suis comme, ben, OK. Mais je me rends compte que les deux films qu'on a choisis ce soir, il y en a un qui est sur Cinépop et l'autre était vraiment adoré par un de mes clients. Fait que je me dis, OK, on a deux choix relativement cultes quand même. On a deux choix avec une bonne base de fans. Il reste à voir ce qu'on en pense. Oui, exactement. Parce que, oui, t'as tout à fait raison. C'est deux films cultes avec des fanboys. Quand tu regardes sur le net, il y a vraiment une communauté qui trippe sur ces vieux films-là. Puis on verra si deux personnes qui ne les ont jamais vus peuvent encore les apprécier en 2017. Ouais, ça va être tout un... Je pense que ça va être ça. Ouais. Ça va être ça, le thrill à savoir. Ben écoute, je pense qu'on va commencer tout de suite, à moins que tu avais quelque chose à rajouter avant le début du show. Non, je pense que la petite anecdote comble bien l'ouverture. D'accord, fait que on entend la petite madame qui crie, puis on se retrouve tout de suite après. Donc, on commence cette soirée science-fiction moins horreur, suggestion de GF, par le film The Last Starfighter, un film de 1984 réalisé par Nick Castle. Ceux qui se demandent, ouais, Nick Castle, c'est un nom qui me dit quelque chose. Ben, ça peut vous dire quelque chose, mais c'est assez bizarre parce que c'est lui qui a entre autres réalisé le film Denis la Menace, celui qui était sorti en 93, et l'autre Major Payne, qui mettait en vedette Damon Wayans. Nice! Deux bonnes comédies que... Ben, peut-être moins Denis la Menace, mais Major Payne, j'avais eu des bons souvenirs de tout ça. Je veux vraiment dire, c'est con, là, mais Denis la Menace, j'avais la cassette. Vraiment un VHS, là. Et il y avait une publicité d'Orange Croche avant le film. Mais il y avait vraiment une publicité par rapport. Comme si t'écoutes comme une cassette de Disney, tu mets Disney, t'as à peu près 3-4 pubs des autres films, puis t'écoutes ton film. Là, il y avait une publicité d'Orange Croche avant le film de Denis la Malice, la petite pièce. Mm-hmm. Et nous, ça nous perturbait. À chaque fois qu'on mettait la cassette, on pleurait, genre, chez nous. C'était comme, pourquoi il y a une pub avant le film, maman? Puis ma mère, elle peut pas l'expliquer. Puis c'était une vraie VHS achetée, là. C'était pas copié de la télé, là. Fait que t'achetais la VHS avec une pub d'Orange Croche. C'était capoté. C'était plus ou moins courant à l'époque, en effet, d'avoir des pubs au début des VHS. Sur DVD, on a eu quelques-unes. Des fois, genre, une pub de char avant un film d'action ou de quoi de même, là. Ouais. À l'époque, c'était rare en mots, juste. Mais là, puis une VHS pour enfants. Ouais, c'est ça. Avec une belle pub d'orange, de boisson sucrée. J'étais, on braillait chez nous, là. Parce que ça venait. On comprenait pas la scène du film. Tout le temps, puis c'était. Ah non, c'était catastrophique, là. Bref, mais passe le inside parce que c'est des petits souvenirs nostalgiques de jeunesse. On m'en a tout. C'est bon. Ben écoute, je pense que Last Starfighter pourrait être un film à écouter avec un petit orange croche. Ça raconte l'histoire de Alex Rogan, un expert de jeux vidéo et d'arcade, qui est un champion de l'arcade de Last Starfighter. Et après avoir battu un record dans l'arcade proche de chez lui, il se voit enlevé par des extraterrestres parce que ceux-ci veulent qu'il devienne leur héros, parce que finalement l'arcade n'était pas tout simplement une arcade, c'était aussi une façon de recruter des experts pilotes. Voilà. C'était... Ce film-là, c'est le rêve de tout gamer des années 80. Le gamer des arcades qui trippe sur les films de science-fiction, qui trippe sur peu importe quoi, qui trippe sur Star Wars, qui allait à l'arcade jouer à Astéroïde, puis à tout ça, Galaga, Galaxia. C'est sûr et certain qu'en 80, ce film-là lui parlait en « s'il vous plaît ». C'était fait sur mesure pour lui. L'arcade avait de l'air cool. Le gars, c'était le plus hot quand même si les filles puis les gens cool sont pas trop avec, là. Mais tout le monde de son petit patelin, il l'aime beaucoup parce qu'il habite genre d'un parc de maisons mobiles. Ouais. Le gars, il est shapé, il est athlétique, il est beau bonhomme. Puis, fait que c'est sûr et certain que c'était un héros et un modèle pour... tout jeune homme des années 80 gamer. J'étais un jeune homme gamer dans les années 80-90. Eh bien, je suis encore, mais je suis moins jeune homme. C'est le genre de film qui m'aurait rejoint à l'époque, mais c'est le genre de film qui m'a rejoint beaucoup moins aujourd'hui. Probablement à cause que la nostalgie n'y est pas. C'est un film qui a... très mal vieilli côté effets spéciaux, les effets spéciaux dans l'espace, des combats de vaisseaux, tout ça. C'est très, très laid. Hey, écoute, c'est un film sorti en 84. La trilogie Star Wars, la première trilogie était finie, là, tu sais. Ça accote aucunement les effets spéciaux qu'on avait déjà vus dans d'autres plus grandes productions. C'est sûr que c'est une production beaucoup plus faible côté budget. Mais avec un 15 millions, je me serais quand même attendu un peu plus. Il y a une partie du film qui est bizarre avec son avec un genre de clone de lui qui est sur Terre pour faire en sorte que ça donne pas l'impression qu'il est disparu, et ce clone là est sur Terre et il essaye de vivre comme un humain normal, puis ça m'intéressait pas. Je voyais bien que c'était des bouts qui étaient supposés être drôles, mais ça me faisait pas rire. C'est un film qui m'a quand même emmerdé, puis qui était très très prévisible dans sa façon d'être, mais écoute, je peux pas y enlever ce qu'il a tenté de faire, parce que sérieusement, je suis sûr que le petit gars, mon petit gars de 10 ans, mon moi intérieur, aurait vraiment trippé là-dessus. On va parler plus en détail du film. Je veux avoir ton opinion, Vicky. Ben, on se rejoint sur tous les points, en fait. J'ai pas détesté le film, mais moi, je l'ai écouté il y a 3 semaines. Je l'ai écouté le 4 mai, je m'en souviens, parce que je l'ai écouté la soirée May the 4th Be With You. Fait que, je veux dire, ça fait... Pour quelqu'un qui écoute des films à tous les jours, c'est quand même loin, le 4 mai. Mm-hmm. On est le 21. Fait que, tu sais... Ça fait quand même un bout, là. Fait que moi, c'est normal que... Moi, je trouve en tout cas que c'est normal que je l'aille oublier. Mais je trouve ça dommage parce que je pense pas que ce soit un mauvais film. Je suis un peu comme toi. C'est juste que ça m'accrochera pas. C'est pas l'histoire qui va m'accrocher parce que, déjà en partant, moi, le petit gars de patelin qui devient un héros, c'est rarement mon sujet de prédilection au cinéma. Lord of the Rings, je suis pas capable. La Matrice, je suis pas capable. J'ai apprécié un peu Harry Potter parce qu'il y en a souvent, il y en a qui ont envie de crisser une claque d'en face en disant « Arrête, t'es plus gros que toi, puis t'es pas tout seul là-dedans, puis arrête de penser que c'est seul contre tout le monde, c'est pas vrai. » Fait que je suis pas capable des espèces de personnes qu'on va chercher parce qu'ils sont uniques puis qu'il faut qu'ils sauvent la planète. J'ai bien de la misère avec ce genre de héros-là. C'est vrai que c'est très, très ce pattern d'histoire-là, le cliché de ouais. Tu es la personne normale, mais non, en fait, compte, tu as un destin plus grand que... Et voilà, ça cache quelque chose. Ça, moi, j'aime pas ce genre de récit-là. Ceci dit, je voyais que c'était nécessaire de faire un film avec ce récit-là, à cette époque-là, avec ce sujet-là. Dans le sens où... Les joueurs de jeux vidéo veulent s'évader dans leurs jeux vidéo. Fait que de faire un film où, en plus de s'évader, ils deviennent le héros de ce jeu, je peux comprendre à quel point ce film-là devait être majeur. Et même que je suis surprise qu'il ne soit pas plus populaire aujourd'hui, qu'on le retrouve pas plus dans les bins à 5$, parce que il appartient à une génération. Ce film-là appartient à une génération. Ça aurait dû être le Mario Bros qu'on connaît, là, dans le sens où Mario Bros, tout le monde l'a vu. Puis pourtant, il tombe au statut du Power Rangers. Parce que j'ai écouté le bras de fer des films des gars où ils parlent des Power Rangers, puis ils parlent à peine du film que moi j'ai écouté 200 fois dans ma jeunesse. T'sais. Fait que ce film-là aurait dû avoir un statut que tout le monde a vu, puis ça tombe un statut Power Rangers, culte pour certains, mais beaucoup méconnu par d'autres. Puis quand tu crois, ah, OK, il y en a gros qui l'ont aimé, tu sais. Fait que moi, je pense que ce film-là mérite vraiment de reprendre une position sur les tablettes. Je pense que ce film-là mérite d'avoir de retrouver ses lettres de noblesse. Parce que oui, les effets spéciaux marchent pas, mais c'est camp. C'est quétaine. Non, oui, très. Ça fait qu'on met ça. Tu sais, dans le sens où aujourd'hui, on joue encore au jeu d'arcade auquel qui joue, que c'est juste une espèce de petit vaisseau triangulaire, là, puis qui tire des stéroïdes, ouais. Verticalement. Façon verticale. On a encore ce jeu-là sur nos téléphones. Donc, je pense que ce film-là, quoi que les effets spéciaux sont dépassés, il mérite vraiment... Tu sais, il y en a gros qui voient un culte au film Labyrinthe, pas moi, mais je trouve que ce film-là mériterait d'avoir ses t-shirts comme le film Labyrinthe, ce retour sur les tablettes en poster, ce retour en t-shirt, ce retour en figurine, tu sais, j'ai une tasse de Superman, je bois mon café dans ma tasse Superman depuis tantôt, mais je trouve que la Starfighter devrait avoir un vaisseau ou un petit logo sur ses tasses. Je pense que ce film-là manque de gloire. Je pense que c'est clair mon propos, ce film-là manque de gloire. Reste que moi, je l'ai pas aimé, mais je pense qu'il devrait être plus reconnu pour ce qu'il a fait. Oui, puis T'as fait raison, puis il y a quelque chose que t'as dit, tu sais, les joueurs ont besoin de s'évader, tu sais. Aujourd'hui, c'est sûr que de jouer aux jeux vidéo, tu sais, je dis aujourd'hui, en 2017, jouer aux jeux vidéo, c'est quelque chose comme normal, tu sais. Le monde, tu sais, jouer aux jeux vidéo, c'est pas « Ah ouais, tu joues aux jeux vidéo? » Non, non, le monde joue aux jeux vidéo, puis c'est tout, tu sais. Mais à l'époque, en 84, jouer aux jeux vidéo, c'était pas quelque chose qui était... glorifié ou quelque chose comme ça. T'sais, c'était, t'sais, aujourd'hui, là, c'est un sport, puis il y a du monde qui gagne le vie avec ça. À l'époque, c'était très nerd, c'était très t'étais un loser, tu sais, t'étais pas vu comme quelqu'un de cool. Puis j'ai l'impression que ce film-là faisait en sorte que tous ces jeunes-là qui se faisaient écœurer, qui allaient dans les arcades, puis qui, à l'époque, c'était pas le Nintendo, c'était plus l'Atari, tu sais, tous ces jeunes-là qui trippaient là-dessus, mais qui pouvaient pas trop s'en vanter parce qu'ils se faisaient écœurer à l'école, mais ils pouvaient écouter ce film-là pour faire comme, ouais, c'est cool de jouer aux jeux vidéo, puis moi aussi, je vais être dans l'espace, tu sais. C'est ça? Mais j'ai l'impression, je serais curieux d'en parler, peut-être, c'est comme, ce film-là en 84, moi je suis né en 82, fait que tu sais, ça n'a pas pu venir me rejoindre à l'époque, mais je serais curieux d'en parler avec quelqu'un qui aurait genre 40 ans, genre ouais. GF, mais non, tu sais, quelqu'un qui avait, à l'époque, qui avait un 7-8 ans, je serais curieux de voir s'il y avait, à cette personne-là, ce film-là a eu beaucoup d'influence puis d'impact. Ben c'est ça, parce que c'est Jeff qui l'a proposé, puis moi, je pense pas que son choix était inconscient, dans le sens que Jeff doit l'avoir vu quand il était jeune, puis doit avoir gardé un bon souvenir, puis j'étais... C'est un bon souvenir. Tu sais, il dit que c'est pas de l'horreur, mais il y a quelques scènes assez dégueulasses. J'aurais de la misère à vraiment mettre le doigt dessus, parce que comme je dis, ça fait quand même 17 jours que je l'ai vu, mais il y a des scènes de décomposition faciale qui sont assez dégueulasses. Donc, je pense que c'est le genre de film qui te marque quand t'es jeune. Oui. Mais tu sais, là, moi, si on revient à notre œil d'aujourd'hui, moi, j'écoute ce film-là, puis pour moi, c'est un épisode de Twilight Zone. OK, t'sais, OK, là, ouais. T'sais, un format une demi-heure, là, tu sais. Ouais. On perd pas de temps, tu sais. Ça a été le plus gros défaut que j'ai eu à ce film-là, tu sais. Pas son histoire, pas ses effets spéciaux, c'était ça. C'était sa longueur, puis sa perte de temps, mais tu sais, il tombe dans les pièges de ces films-là des années 80. T'sais, il fallait absolument qu'il y ait une fille cute, qui trippe dessus, puis tout ça. La fille ressemble donc à sa mère, là. L'actrice qui joue la fille, puis l'actrice qui joue la mère, j'étais comme, man, malaise, complexe de... Hey, c'est genre, OK, je comprends que c'est la seule fille de ton village, là, fait que tu sais, c'est mais merde, au début, je pensais que c'était la mère de la fille, là. Ça ressemblait trop, là. Puis j'étais comme, OK, malaise! Ah, c'est drôle, OK. Non, j'ai pas remarqué. C'est très drôle. Mais non, c'est ça, tu sais. Oui, parce que moi, il y a comme des moments, j'écoutais le film, je fais, OK, là, ça va trop vite. OK, là, c'est trop long. Fait qu'on dirait que ce qu'il faut qu'ils fassent, tu sais, c'est long avant de se rendre à une scène cruciale, un pivot, tu sais, un pivot de texte, ouais. Un pivot d'histoire. Mais quand le pivot, il passe, il est super intense. Ouais. Tu sais, il faut l'écouter au bout. Quand on rencontre le méchant, ben il faut écouter cette scène-là. Tu peux pas passer à côté. La scène du méchant est super bonne. Mais après ça, t'as plein de petites scènes de gens qui ont peur du méchant, puis là, c'est bon, puis là, on confirme qu'il est méchant, le méchant, tu sais. Son clone sur Terre qui essaye d'imiter les autres couples. Ça, il est dégueulasse, le clone et tout. Ouais. Oh oui, quand on le voit. Oui, c'est très hot, ça. C'est ça! Non, pour vrai, c'est ça. Il y a des bonnes scènes que, tu sais, quand t'es jeune, c'est qui m'a... Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me parlait du film Labyrinthe, puis il y a une chanson, puis il y a des bobos dans le film Labyrinthe, genre, qui switchent de tête, puis qui switchent de yeux. Puis il disait, moi, quand j'étais jeune, ça m'a traumatisé, cette scène-là. Ça faisait très peur quand t'étais jeune, en effet. Mais c'est ça que je veux dire, par la scène du clone qui se construit, ça devait être fucking freak, là, pour un enfant, là. Ça fait très Invasion of the Body Snatchers. Ouais. Mais tu vois, ce film-là dure 1h40, puis 1h30 aurait été un très bon format. Un petit 10 minutes. Même 1h20. Ouais. Même 1h25, là. Tu sais, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film-là, puis j'ai pas grand-chose à dire contre ce film-là. Je suis juste resté très neutre. C'est pas un film que je vais réécouter, c'est pas un film que je vais jaser, tu sais. Je pense que là, c'est la fois où je vais le plus en jaser dans ma vie. Ouais, mais en même temps, tu croiserais quelqu'un qui a un t-shirt, comme je te dis, puis tu serais comme « Yah! » C'est ça, tu sais. OK, lui, il a vécu quoi? Ouais. C'est ça, tu sais, moi, j'en ai gros des t-shirts de Doctor Who, de Simpson. J'adore les t-shirts de Grumpy Cat, puis toutes ces affaires-là. Puis tu sais, Grumpy Cat, c'est dépassé aujourd'hui. Ouais. Mais j'aime ça quand je le porte, quelqu'un qui me fait « Yah! Grumpy Cat! » Tu sais, on a vécu quelque chose ensemble, lui et moi, pendant ces 30 secondes de Picat, là, parce qu'on était là quand Grumpy Cat était partout sur les réseaux sociaux. We love Grumpy Cat. T'sais-tu quoi mon feeling avec Last Starfighter? C'est que, tu sais, pour rentrer dans la culture populaire, souvent, c'est que ça te prend quelque chose d'iconique. Un visuel, ou des répliques, ou une toune, tu sais. Ce que Star Wars avait, tu sais, Star Wars avait des méchants hyper, tu sais, je veux dire, Darth Vader, tout le monde reconnaît Darth Vader, même si t'as pas vu le film, tu sais. Tout le monde sait c'est quoi un sabre laser, même si t'as pas vu le film. Tout le monde est capable de reconnaître E.T., tout le monde est capable de... T'sais, mais dans Last Starfighter, il n'y a rien de ça. T'sais, les extraterrestres sont pas intéressants visuellement, les vaisseaux sont pas intéressants visuellement. T'sais. Ça manque le petit côté... raison. Très raison. Ouais. Parce que le char ressemble à la DeLorean de. Ouais, très. Ah oui, vraiment. Vraiment. Le char ressemble à la DeLorean. Le parking lot, là, l'endroit où ce qu'ils vivent, ouais. Là, bon, ben, ça s'appelle, je pense, The Last Starfighter aussi. Mais le. Tu sais, on. Ok, je reprends ma phrase. Quand tu rentres dans le Christie's parking lot, là, ouais. C'est comme Welcome parking lot. Bon, ça s'appelle The Last Starfighter, puis ça a une espèce d'enseigne illuminée. Mm-hmm. Mais on met pas assez d'emphase sur cette enseigne-là, tu sais. Elle devrait être plus présente, elle devrait être sur des cartes postales, mais on la voit juste deux fois. Mais elle devrait être comme s'ouvrir ou projeter de la lumière comme Batman ou n'importe quoi. Ça répète le logo, mais c'est vrai qu'ils l'ont pas assez stagé. Son costume, tu sais, je veux dire, quand il est dans le vaisseau, c'est beige, c'est du brun sur brun quasiment, c'est laid, tu sais, c'est pas beau. Ouais. Tu sais, ça. Puis c'est toujours filmé écran de devant, tu sais. Filmé comme je le suis présentement avec ma webcam, plein centre, rien de créatif. Tu sais, il n'y a pas le visuel des vaisseaux, il n'y a pas le visuel du costume, il n'y a pas le visuel des extraterrestres. Fait que quelqu'un peut pas te montrer une image de la Starfighter, puis tu fais comme oh oui, ça c'est la Starfighter, tu sais. Ça, tu parles de brun sur beige, mais tu sais, Ghostbusters, c'est brun. Mais ils ont la machine, ils ont le Q, ils ont la technique, ils ont le logo, puis ils ont le, comme dirait Eric Salvaille, ils ont le bagou. Il dit tout le temps ça, là, il y a du bagou. Ils ont l'attitude. Mm-hmm. Les Ghostbusters ont de l'attitude, lui, il n'a pas vraiment. Non, c'est ça. C'est un peu de, tu sais, badassitude, là. Un peu comme, encore une fois, Retour vers le futur. Le gars, il a de la badassitude. Badass, là, il est fraîchier. Lui, il est comme bien neutre. Tu sais, quand il décide qu'il veut plus s'en aller, il se bat pas, il crie pas, il fait comme « Ok, ben ramène-moi chez nous, là. » Badass. Ouais. Dude, tu sais, comme « show some balls, là. » Ouais. C'est ça. C'est ce qui manque à ce film-là. C'est juste ça ce qui manque. Parce que sinon, on avait l'histoire, pas pour une saga, pas pour une série, pour un bon film. Mais là, ils ont comme busté ce concept-là. Là, tu peux plus le refaire. Mais non. Parce que l'idée de base est écœurante. Elle est simple, elle est efficace. Ouais, mais aujourd'hui, tu ferais ça, un gars qui gagne dans un arcane. Moi, on ferait comme un fuck you, là, tu sais. On n'est pas cave, là. Non, c'est ça. T'sais, ça serait trop. Non, c'est ça. T'sais, aujourd'hui, t'as du monde qui sont pris dans des jeux vidéo. T'as du monde qui sont les personnages réels de jeux vidéo, mais quelqu'un qui gagne parce que. Dans l'espace, le jeu vidéo a été mis là pour trouver des conducteurs de vaisseaux spatiaux. Le monde n'embarquerait pas là-dedans. Non, il trouverait ça cheesy à l'os. Ouais. Ça passerait pas comme ça pouvait passer. Non. Mais c'est dommage. Je pense pas qu'on... Je sais pas si t'avais autre chose à dire sur ce film-là. Non, ça va. Mais non, tu vois, regarde, je suis content. Je pensais qu'on allait avoir beaucoup moins de choses à dire là-dessus puis qu'on allait juste être comme pouette. Mais C'est juste plate parce que c'est un film qui avait le potentiel d'être quelque chose de beaucoup plus iconique que ce que ça a été. Peut-être qu'il y a du monde qui vont nous écrire, qui vont dire « Hey, voyons donc, si il y a un culte incroyable, vous n'avez pas fait vos recherches, tant mieux si c'est ça. » Mais on le voit, le culte incroyable, mais on le voit pas dans la rue. Non, on le voit pas. Moi, je veux dire, je magasine beaucoup les t-shirts geeks, les posters geeks, puis toutes ces patentes-là, là, tu sais. Puis autant de récents que des années 80... Je le vois pas, je le vois nulle part. C'est ça exactement. Fait que oui, il peut avoir son lot de fans, son lot de nostalgiques, mais il n'y a pas son bassin iconographique, comme tu disais. C'est ça. Hey, recommandation? Recommandation. Tu sais, je pourrais même pas dire une bine en 5 piastres parce qu'il n'y en a pas. Non. Il n'y a pas de version non plus sur YouTube. Fait que si vous avez un chum de gars qui veut vous le faire écouter, allez-y, vous allez passer un moment, mais c'est pas quelque chose à aller chercher, là, absolument. Ouais, je dirais la même chose. Je dirais, écoutez-la avec quelqu'un, si vous l'avez jamais vu, là, écoutez-la avec quelqu'un qui l'a déjà vu. Ouais. Puis qui trippe, là, qui va peut-être vous le vendre d'une bonne façon. Sinon, tu sais, le Blu-ray est à 8$ sur Amazon. C'est vraiment pas cher, là, si vous voulez absolument écouter ça. Allez-y fort, là. Je pense pas si que on vous le rappelle. Hein? Si on vous rappelle l'existence de ce film-là. Vous l'avez écouté, vous l'avez oublié, vous faites, ah, même, ça serait tellement hot. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Puis ce qu'on dit, c'est vrai. Dis, ah non, mais moi, je l'aimais quand j'étais jeune, fait que j'ai envie de le revoir. Blu-ray 8$, là, c'est ta solution. Ouais. Il y a des 8$ pires que ça dans un investissement. Ah oui. Fait que, ben écoute, on va y aller en musique, Vicky, avant de passer au prochain film. Et comme suggestion musicale, c'est moi qui vais y aller avec la toune The Driver de l'artiste Night Runners. Et ça vient de son album qui s'appelle Starfighter. On se revoit tout de suite après. Woohoo! Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, on est de retour avec le deuxième film suggéré par JF, notre comparse qui change les couches. moi, je vais être des poubelles à couches. Fait que je sais pas qui est le mieux placé entre lui et moi, parce que c'est même pas les couches de mes enfants. Je vais juste vider des poubelles à couches à semaine longue. God, non, tu... Uh-huh. C'est juste que vider celle-là de mon enfant, je trouve ça dégueu. Je veux pas faire ça. C'est ça. Fait qu'imagine. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que suite aux poubelles à couches, nous avons écouté Enemy Mine, qui, moi, était disponible sur Cinépop. Et bon, un résumé très, très court du film, mais je vous avertis, après le résumé, on va spoiler tout le film, parce que moi, je peux pas en parler sans spoiler. Ma critique vient avec des spoils, anyway. Fait que, rapidement, c'est l'histoire. On est dans un futur assez éloigné. Oui? Écoute... Je veux juste dire que ça a été réalisé par Wolfgang Petersen. Et Wolfgang Petersen, là, c'est lui qui a réalisé une plotée de films. C'est lui qui a réalisé 3, Poséidon, Perfect Storm, Air Force One, In the Line of Fire, puis aussi L'Histoire sans fin. Wow! Fait que c'est pas un 2 de pique. Non, vraiment pas. Mais la réalisation est vraiment bonne. Pour vrai, là, la réalisation est vraiment bonne. Mais moi, j'en reviendrai là-dessus. Oui. Alors, on est dans un futur très éloigné. Les humains se rendent compte qu'il y a une autre présence. Il y a une présence extraterrestre dans l'univers qui est une présence assez intelligente, assez même humanoïde. Et on est dans une guerre constante avec ces extraterrestres-là. Dennis Quaid est dans un vaisseau spatial, il décide qu'il tire sur un autre vaisseau ennemi, et finalement, les deux vaisseaux finissent par se crasher sur une planète, et Dennis Quaid, il se ramasse tout seul de son vaisseau, et l'ennemi se ramasse tout seul de son vaisseau aussi sur cette planète, et ils devront vivre ensemble sur la planète s'ils veulent survivre. Planète très, très hostile, autant au niveau de la nourriture que de la température, qu'il y a des chutes de météorites, il n'y a pas d'abri, c'est pas une planète habitée, donc on peut pas se cacher dans des maisons. Oui, beaucoup de créatures, c'est très aride, c'est pas un sol où tu fais pousser quoi que ce soit, il y a des tempêtes de neige impromptues. Bref, ils savent qu'ils vont devoir s'unir pour survivre, et on parle de deux peuples qui ne viennent pas de la même terre, qui n'ont pas les mêmes mœurs, qui n'ont pas le même langage, et donc tous les sépares qui sont dans une guerre infinie depuis des centaines d'années, et là, ils doivent coopérer. Et je vous avertis, à partir de maintenant, moi, je vais spoiler, fait que peut-être laisser Seb parler un peu si tu veux laisser un peu de temps, parce que moi, c'est sûr que tout le long, je spoil. Ben écoute, tout ce que je veux dire, c'est vous ne connaissez pas Enemy Mine, moi, c'est un film que j'avais entendu parler souvent, on me l'avait recommandé, pas souvent, mais on m'avait quand même dit si tu devrais écouter ça, et je suis très content de l'avoir vu. Je suis Dennis Quaid et Louis Gossett Jr. tiennent le film sur leurs épaules de façon très, très, très, très... Ben, je ne veux pas utiliser magistral, là, on n'est pas digne d'Oscar, mais tu sais, pour un film du genre, c'est très, très bien fait. Louis Gossett Jr. en extraterrestre est très, très crédible, nous fait croire à cet extraterrestre-là toute la... La chimie entre les deux qui se développe, le truc du langage, je vais te laisser en parler, mais tout ça, tout ce qu'ils ont essayé de faire, j'ai trouvé qu'il était bien fait, excepté peut-être certains éléments vers la fin, mais honnêtement, c'est un film que je considère qui est à voir pour tout fan de films de science-fiction ou de films un peu rétro des années 80, donc... Si vous voulez pas vous faire spoiler, parce qu'il y a eu des belles surprises dans mon cas, Vicky les avait su d'avance, malheureusement pour elle. Ou heureusement, on verra. Ou c'est ça. Mais je voudrais pas me faire spoiler ce film-là, donc allez-y fort sur les recommandations. Le film est pas très cher de toute façon. Je te laisse aller, Vicky. Ben, Mais sais-tu quoi? Je pense qu'on va donner aux auditeurs l'envie d'aller l'écouter parce que moi, j'ai détesté. J'ai détesté là pour mourir. J'ai haï. Fait qu'à partir de maintenant, là, vous allez écouter Amy Mine et vous allez reprendre le podcast parce que vous allez avoir une estime de discussion de la mort entre Seth et moi. Moi, j'ai détesté et lui a adoré. Fait qu'imaginez, allez écouter le film, faites-vous votre opinion et revenez triper avec nous autres. C'est pas pire, ça? OK. Je laisse aller. Moi, déjà en partant, je déteste Dennis Quaid. C'est un acteur qui m'énerve dans tous ses films. Je trouve que c'est un wannabe Harrison Ford, un wannabe plein d'autres acteurs. Puis là, il y a un bout en plus qui joue Indiana Jones. Puis j'étais comme, arrête, t'es pas Harrison Ford. Il joue Indiana Jones. Ça peut être... un chapeau avec la veste, puis là, il se montre la veste, puis là, genre, il tire de bord avec son gun, puis je fais comme, OK, là, t'essayes d'être Harrison Ford, puis Tom's Man, c'est épouvantable, puis il rentre dans une espèce de tuyau, là, puis avec le halo, le chapeau, tout, je dis, dans pas long, on va faire un lasso. Ah, vraiment... hey, mais je te coupe tout de suite. Je suis zéro fan de Dennis Quaid, fait que là-dessus, je te soutiens. Je dirais pas que c'est le pire acteur du siècle ou que j'ai une haine envers lui, mais tu sais, quand je pense à la filmographie de Dennis Quaid, je suis toujours comme, coudonc. Ah, mais il en fait trop dans tous ses films! Il lève ses pieds, il lève trop haut. Il y a un bout du film, OK? Il parcourt juste le terrain. Là. Tout le monde a vu le film à partir de ce moment-ci, je considère. Fait que, ouais. Il parcourt un bout de terrain, puis il y a une espèce de poteau à terre. En tout cas, il y a quelque chose qui traîne en terre, puis il faut qu'il l'enjambe. Mais c'est super subtil. Logiquement, c'était ça subtil. Non, man! Il se met à lever les genoux comme un marathon à 90 degrés à faire du yoga. Calme tes jambes, man. Calme tes sourcils. Calme ta face. Calme-toi. Ah, moi, je suis pas capable de ce gars-là. Je suis pas capable. Il m'énerve, là. Moi, je l'ai connu avec le film sur Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Hyper arrogant dans ce film-là, OK? Ce personnage, le personnage qui joue, il est hyper arrogant. Mm-hmm. Puis, pour moi, Dennis Quaid, c'est Johnny Depp. À partir de ce personnage-là, je revois ses caractères dans tous ses personnages. Johnny Depp, il y a toujours un petit quelque chose qui revient dans chacun de ses personnages, tout dépendamment de la direction d'acteur, mais il y a ce problème de revenir souvent à quelque chose. Mais Dennis Quaid, il revient souvent à son personnage de Jerry Lee Lewis dans Great Balls of Fire. Cette arrogance-là, ce sourcil-là, ce regard-là. Le film commence dans le vaisseau, là, puis tu le sais que son comparse va crever parce que, à la limite, ce serait suicidé. T'sais, il est trop gossant, là. T'sais, il est comme, ah ouais, on court après l'ennemi, on va le tuer, puis on est comme, ben non, c'est dangereux. Wouhou! En tailleur! Mais tu vois, ça, pour moi, c'était correct. Je pense qu'il fallait qu'on nous montre quelqu'un de... pas sympathique au départ parce que pour que il aille à piler sur son orgueil s'il voulait se lier d'amitié avec quelqu'un d'autre, là, tu sais. Oui. Ça, j'avais saisi ça. Mais tu sais, pour vrai, là, j'aime mieux qu'on, au lieu de faire opinion, là, j'aime mieux qu'on parle de moments qu'on parle, là, fait que, tu sais, coupe-moi tout le temps. Ouais, okay. Ambiance-là, là, fait, retiens-toi pas. Mais tu sais, au tout début du film, là, les trucs crash. Puis là, il essaie de tuer son ennemi. Là, son ennemi, finalement, il gagne sur lui, puis il l'attache. Puis là, il a faim. Puis là, tu sais, au lieu de dire, il y a tout quoi plus gossant quand tu écoutes un film avec des bruits. Puis là, après ça, il donne son morceau. Au lieu de subtilement, il fait. Comme, dude, fais-en moins. On comprend que c'est dégueulasse. T'as même pas besoin de trouver ça dégueulasse. On trouve ça dégueulasse. Arrête! T'as tout à fait raison, je me disais les mêmes choses à ce moment-là, mais tu vois, à ce moment-là, j'étais pas vendu au film encore. Bon. J'étais pas vendu au film. Puis moi aussi, j'étais comme, mais man, là, tu t'arranges pour te faire tirer dans la gueule. Mais oui! Puis là, le gars, son ennemi, je suis désolée parce que moi, j'ai pas retenu les noms, mais ils sont peut-être sur la fiche IMDB. Ouais, ça peut être... on te dit vite, là. Mais... humain et extraterrestre, OK? Bon, fait que l'extraterrestre, il capture Dennis Quaid parce que c'est une menace pour lui, mais il tue jamais. Puis là, à un moment donné, il y a une chute de météorites, ils sont comme, hey man, on est dans le mal, faut qu'on se protège. Fait que les deux vont se protéger dans une grotte. Dennis Quaid réussit à s'en sortir, puis il est pour le tuer avec un couteau. Puis je suis comme, man, ta gueule, il t'a nourri, c'est toi qui es un danger pour lui, pas le contraire. Mais moi, honnêtement, à ce moment-là, je me suis dit, OK, clairement, les humains sont le... sont l'espèce méchante dans ce film-là. Ouais. On est les méchants. On est pas les gentils là-dedans. Ah, puis moi non plus. Puis j'avais hâte qu'il déclique, lui-là. J'avais vraiment hâte qu'il déclique, là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, c'est comme... on est dans une guerre avec des créatures monstrueuses. Man, c'est toi le monstre. C'est toi le monstre qui se cache en dessous de leur lit, puis c'est toi le monstre qui se cache dans le placard. Je suis désolée, là, mais il est cruel, il est vindicatif, il est méchant. Hey, sérieux, il est attaché, là. Puis il envoie chier la créature en disant « Hey, speak English, parle en anglais. » Puis là, je suis comme « Pourquoi il aurait à parler en anglais? C'est toi qui es attaché. C'est à toi d'apprendre son langage. » Mais il est tellement, genre, condescendant puis au-dessus de ses moyens qu'il est en crise que l'alien apprenne pas sa langue. Je suis comme « Ben, fuck you! » Écoute, là-dedans, là, ben écoute, je pense que tout le monde peut faire cette lecture-là du film. C'est sûr que oui, c'est un combat entre extraterrestres et humains, mais c'est clairement une métaphore à nous autres qui s'en va dans des combats dans d'autres pays du tiers-monde et tout ça, là. Tu sais, et j'avais l'impression que clairement Wolfgang Peterson, le réalisateur, voulait prendre un point de. Tu sais, il y a une opinion là-dessus. Puis je pense qu'il clairement, il aime pas l'attitude des Américains face aux autres pays. Il aime pas notre attitude de « Ouais, c'est nous autres les boss, on arrive ici, vous nous voulez tout, tu sais, blablabla. » Fait que j'ai l'impression qu'il a voulu transmettre tout ça à travers Dennis Quaid. Et, tu sais, clairement, le message de ce film-là, c'est si on prenait le temps d'écouter notre ennemi, peut-être qu'on se rendrait compte que on a beaucoup plus en commun qu'on a de trucs séparés. Puis, à cause de ce message-là en arrière, oui, Dennis Quaid me tapait ses nerfs, mais pour moi, c'était pas un défaut. Ouais. Tu comprends? Tu sais, j'étais comme, je comprends tellement, tu veux. Tu sais, il voulait qu'on prenne pour l'extraterrestre, tu sais. Parce que l'extraterrestre, dès qu'il arrive sur la planète, tu fais comme, ce gars-là, il est chill. Ben, c'est ça, là. Il vient prendre une baignade dans l'eau, là, ouais. Tu sais. Mais non, il y a ça, tout à fait. Mais moi, je prends un lien avec le reste de la filmographie de Wolfgang Peterson parce que, en fait, je pense que tous ces films se rejoignent sur un point. Sont super beaux, sont très bien réalisés, mais il y a des faiblesses de scénario énormes. Ben oui, Par exemple, tu m'as dit qu'il a fait 3. Oui. Ben, moi, je connais beaucoup, beaucoup la mythologie grecque. Et 3... est super beau, super intéressant, mais tu vois qu'il a essayé de passer un message encore une fois sur la guerre et sur l'envahisseur américain parce que, par exemple, Achille était homosexuel avec Pétrarque. C'était pas son cousin, c'était son chum. Tu me perds, mais vas-y, ouais. Le personnage de Brad Pitt ouais, est gay. Je me souviens d'Achille, ouais, mais non, je me souviens pas de la... Brad Pitt est censé être gay. OK. Puis c'était... C'est... Mais il l'a pas fait. Puis le chum... De Achille, qui est Pétrarque, et son cousin. C'est correct dans le film. C'est correct, mais c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Parce que c'est pas ton propos, ton but, c'est pas de montrer ça. Fait que tu sais, tu vas effacer, tu vas swiper. Un autre truc dans ce film-là, à la fin, c'est pas Joaquin Phoenix, là, mais un autre petit cute, là, qui Orlando Bloom, là, qui Non, film. Orlando Bloom, t'as raison. Bon, Orlando Bloom, il s'enfuit avec un épée. Okay. Bon, on n'explique pas l'importance de cette scène-là, quoi qu'on la met quand même bien belle, bien importante, mais selon la mythologie, c'est ce personnage-là avec cette épée-là qui aurait créé, qui aurait fondé Rome et qui aurait permis à Alexandre le Grand d'exister. Okay. Donc, mais c'était pas son propos. Fait qu'il le met parce qu'il faut que ça soit là, comme il met Pétrarque parce qu'il faut que ça soit là, mais il creusera pas parce que ça va trop en mettre dans son film. Okay? Ce qui fait en sorte que 3, c'est pas un mauvais film. C'est juste un film qui va pas aborder tous les sujets qu'il pourrait aborder. Non, c'est tout. Ben, surtout que 3, c'est tellement un blockbuster que tu veux. C'était pas les sujets dans lesquels qu'il voulait aller, tu sais. Exactement. Fait que c'est pas. Moi, j'y reproche pas ça. C'est un constat, c'est pas un reproche. Ouais. Donc, Enemy Mine, j'ai le même reproche. Mm-hmm. Dans le sens où je comprends qu'il y a des choses qu'il voulait faire, mais moi, ça m'a plus tapé sur les nerfs que démontré. Dans le sens où. J'ai trouvé qu'il prenait des raccourcis. J'ai trouvé que, tu sais, tu dis que le personnage du E.T. il est bien fait, mais à partir du moment où, big spoilers, le E.T. est enceinte, mais il commence à avoir des manières. Il a l'air pratiquement homosexuel tout d'un coup. Oui, dans des... Vas-y! Non, c'est drôle, non, vas-y, finis ta phrase, je vais y aller avec toi. Il est dans des sourires, dans des postures, dans des regards... Tout d'un coup, il appartient à la cage aux folles. Mais au départ, il est menaçant, il est autoritaire, il est puissant. Et là, à partir du moment où il est enceinte, il devient faible, géniard, maniéré. Puis, je vais utiliser l'expression parce que c'est, j'ai l'impression que c'est ça qu'on a voulu donner. Et l'expression est négative dans ma bouche, mais il est fif. Tu comprends? On le réduit à un statut au lieu de lui garder ce qu'il était. OK. Moi, je vais te dire ce que j'ai vu. C'est drôle parce que moi, j'ai vu totalement autre chose. Puis, Okay, vas-y. Mon bagage à moi qui voit ça. J'ai vu quelqu'un enceinte. J'ai vu quelqu'un qui s'adoucit. J'ai vu quelqu'un qui s'émerveille parce qu'il est en train de se dire « je vais donner la vie à quelque chose » qui pue dans la guerre, qui en a plus de besoin de ça, puis qui est juste comme « j'ai un bébé dans moi, puis je suis heureux, puis je suis bien. » Puis j'ai le goût de le partager, ce bonheur-là, avec quelqu'un d'autre, parce que c'est juste cette personne-là qui va être avec moi. Puis peut-être aussi qu'il est conscient de ce qui va se passer, parce que bon, old big spoiler, il va mourir à l'accouchement. De l'enfantement. Ouais. De l'enfantement. Je me souviens pas si c'est normal qu'il meure de l'enfantement ou... Je pense pas. Non, mais il en souffre. Ouais. Fait, tu sais, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt quelqu'un qui s'adoucit puis qui oublie tout son côté belliqueux puis qui se dit comme, hey, c'est ben trop sweet ce qui est en train de se passer. Fuck that. Moi, je suis heureux. Fait que tu vois, c'est drôle. Tu vois qu'il y a eu un changement d'attitude, par exemple. Les deux, on le constate. Oui, ça c'est sûr qu'il y a eu un changement d'attitude, tout à fait. Mais moi, ça a été du côté enfantement, puis je vais être papa. OK, puis moi, tu vois, c'était carrément comme... Je trouvais qu'on le féminisait. Je trouvais qu'on... Tu sais, toi, tu dis qu'on l'adoucit. Moi, j'avais l'impression qu'on le féminisait, puis c'était pas... Moi, ça m'avait vraiment gossé. Moi, ça m'avait fait. C'était une partie pourquoi j'avais décroché. J'étais comme, mais pourquoi qu'il change, tu sais? Mais c'est vrai que tu peux pas être un guerrier. Ben, tu peux, là, être un guerrier enceinte, là. Je veux dire, il y en a sûrement, là. Mais je veux dire, c'est pas une image qui est énormément véhiculée, le guerrier enceinte. Non. Effectivement. Puis en plus que, de toute façon, je pense que rendu là, on n'est pas trop clair sur la période de temps, mais rendus là, sont capables de se parler autant en anglais qu'en l'autre langue. Fait que on suppose qu'il s'est passé des mois et des mois et des mois. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'en plus d'être enceinte puis tout ça, son côté belliqueux puis tout ça, il a pris le bord. T'sais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que pour moi c'était correct, mais et c'est drôle parce que c'est ça. Je suis vraiment content parce qu'on voit deux choses. On a vu chacun une transformation. Moi, m'a mis mal à l'aise. Toi, au contraire, elle t'a fait sentir quelque chose que t'as vécu, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun. Moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait comme, ah, oh, c'est génial, j'adore ce film-là. J'adore. Au contraire, j'ai fait, ah, oh, c'est-tu que tu m'énerves? Parce que moi, à ce moment-là, j'étais comme, OK, on start sur un film qui a comme propos la guerre, puis on devrait se rapprocher sur son ennemi, tout ça. Pour mieux les comprendre, parce que on s'entend là, dans peu importe la guerre, les soldats, même si on veut pas utiliser l'expression brainwashé, tu sais, les soldats connaissent pas tous les enjeux, tout ça, puis ils ont des ordres, puis ils vont exécuter les ordres. Puis clairement, dans le film, ces deux personnes-là, c'est ça. C'est des go-to guys, puis rendus face à face, ils se rendent compte comme, voyons, mais pourquoi est-ce qu'on s'haït? Finalement, on devrait pas s'haïr. Fait que tu sais, clairement, ce film-là a ce propos-là. Puis rendu au moment du bébé, là, j'étais comme, je sais plus où ce que le film s'en va. Là, il venait comme d'aller d'un next step, là, d'une passe où je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Fait que c'est ça qui m'a... Moi, je le savais. Moi, j'avais vraiment lu un résumé. Ouais. Un humain et un... Moi, là, le résumé que j'avais lu, c'est un humain et un extraterrestre crash sur une planète. Ça va pas bien, mais leur relation doit s'améliorer au moment où l'extraterrestre tombe enceinte. C'est ça que j'avais lu. Fait que moi, dans ma tête, je savais qu'il tombe enceinte. Parce que c'était le fait qu'il y ait un bébé qu'il fallait qu'il s'unisse. Mais là, il s'unissait avant... Oui. Fait que je trouvais que le bébé était pas utile parce que moi, selon mon résumé, c'est le bébé qui faisait qu'il s'unissait. Mais là, il s'unissait avant. Puis en plus, moi, j'aimais pas. Je trouvais que. Tu sais, j'étais comme. Crime, on n'a pas changé son maquillage, on n'a pas changé son costume et pourtant son regard est pas le même, ses sourires est pas le même, la manière de mettre ses mains sont pas la même. Tu sais, je l'ai utilisé le mot tantôt, mais moi j'avais l'impression que c'est ça qui est écrit dans le scénario. Là, tu deviens une femme. Puis il dit à Manet, toutes les femmes enceintes ont ces réactions-là avant l'accouchement, puis il fait, je suis pas une femme. Mais de la manière qu'il lève le doigt, c'est, mon cher, je ne suis pas une femme, je reste un homme. Tu sais, je trouvais que c'était pas. J'aime pas ça parce que ça fait une définition des gens très, très stock-up, là, mais ça faisait. Ouais. Plus au niveau du personnage. Si le personnage avait été le même dès le départ, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, c'est qu'il est le même tout à coup, puis je suis comme, mais pourquoi vous faites ça, tu sais? Ouais. Mais toi, t'as ton explication, puis elle est aussi valable que. Même mieux valable que la mienne, parce qu'elle est plus logique. Moi, c'est plus une impression qu'une explication, tu sais. Mais je suis d'accord que c'était très, très. Il y a David Michaud sur le chat des Patreons qui nous dit efféminé. Je pense que c'est le bon mot. Oui! Mais c'est ça. Moi, je l'ai interprété d'une certaine façon. C'est ça. Mais écoute, j'ai le goût qu'on parle aussi de toute l'après. Tu sais, bon, l'extraterrestre meurt. Dennis Quaid devient comme l'oncle, le papa adoptif de cet extraterrestre-là. Ouais. Moi, personnellement, évidemment, j'ai trouvé ça cute à l'os. J'ai trouvé ça super fort. C'est après ça que le film s'est gâché un peu. Avec la découverte de ce genre de camp de comment dire ça? Un camp de travail d'extraterrestres qui sont des esclaves par les humains. Les humains sont hyper méchants. Puis tu sais, là, le film redevient une affaire. Toute la grosse caricature du début, là, de Dennis Quaid qui en met trop, tout ça. Si tu trouvais que Dennis Quaid en mettait trop au début, je trouve que ces gars-là, à la fin, ils en mettaient à fond, tu sais. Excuse-moi, ça a coupé. Je dis, ils font des bons duos, mettons. Ça change très bien le regard. Le regard intense, là, dans les silences, là, il y en a un petit peu trop. Puis là, tu sais, c'était ça, là. C'était tout à coup, Dennis Quaid devient le justicier qui va sauver la race extraterrestre et qui va arrêter la guerre, tu sais. Il y a un combat à fusil, là. Je te jure, là, tu vois-tu bien ma face? Sinon, j'ai essayé de me mettre plus en lumière. Okay. Il y a un plan, il est pour y tirer, puis le gars, il y a un tu sais, là, un nobody, là, on s'en crisse, là, t'as le méchant. Un goon, là, tu sais. Et il est pour tirer, puis il fait... Vraiment longtemps, mais le plan dure comme 4 secondes, mais il a l'air à pas savoir ce qu'il fait. Il est comme dans une fête foraine, lui, là. Ok, pour ceux qui savent pas de quoi que Vicky a de l'air, là. Un imbécile heureux, là, une espèce de gros sourire, les yeux dans le même. Puis là, je suis comme, mais c'est quoi? Quand tu tires, là, d'habitude, tu tiens ton gun direct vers la personne, tu fais voler, là. Tu sais? Je suis comme, mais voyons, c'est quoi ce plan de marde, là? Sérieux, je pense que je vais aller le rechercher, je vais faire un print screen, puis je vais l'envoyer pour le cover. Tu sais, je te dirais que. Tout ce moment-là, je l'ai trouvé over the top. Je trouvais que c'était un dernier acte qui avait aucun lien avec tout ce qu'on avait vu avant. Qui rajoutait tout d'un coup des méchants qu'on n'avait jamais vus, un enjeu qu'on n'avait jamais vu. Tu sais, tout d'un coup, le petit bonhomme extraterrestre se fait kidnapper et dans ce camp-là de travail, Dennis Quaid se fait ramener dans le vaisseau des humains et sauvé. Puis là, ben, décide de voler un vaisseau spatial pour aller sauver le petit bonhomme extraterrestre. J'avais, tu sais là, oui, j'avais vraiment le goût qu'il sauve le petit bonhomme extraterrestre parce que j'étais super attaché à lui, puis je faisais de la projection, peu importe. Mais, tu sais, je le trouvais cute, je trouvais leur relation super cute, tu sais, je voulais que le petit bonhomme soit sauvé. Mais toute la péripétie de tout ça, les méchants qu'on a aucune idée c'est qui, puis pourquoi ils sont méchants à ce point-là, ça m'a tapé. Ça m'a tapé. Puis tu sais, je me dis, ça doit être connu sur Terre qu'on les prend comme esclaves, les extraterrestres. Fait que, Dennis Quaid, du début du film, c'est pas remis en question. Tu sais, tu dis, ouais, hier, on est des soldats, blablabla, mais Christy, vous les prenez en esclaves quand même, là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, tu sais. Est-ce que, à moins que vraiment ce soit caché, puis que personne n'est au courant que ces camps de travail-là, mais. C'est ça, ouais, t'as tout à fait raison que, tu sais, Dennis Quaid devait être sûrement au courant de tout ça. Ben ouais, tu sais. Puis, moi, en fait, toi, tu dis que t'as aimé le film à partir du début. Moi, j'ai aimé le film aux 20 dernières minutes, avant qu'il retourne en fait sur la planète, là, faut pas. J'ai aimé le film pendant 5 minutes. Tant que, il se fait tirer. En fait, quand Dennis Quaid pense qu'on pense qu'il est mort, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Il se fait tirer, puis là, je suis comme, ah, yes, il meurt. Le film va aller ailleurs. Fuck, il est pas mort. Mais quand il est sur le vaisseau spatial, j'ai trouvé ça tellement beau. Les plans étaient beaux. Le film était beau. Oui. Là, vraiment, dans le vaisseau mère, là, le film était super beau. Mais c'est qui ce vaisseau mère, là? C'est quoi ce vaisseau-là? Pourquoi est-ce qu'il réhabilite le capitaine? Là, il dit qu'il passe des semaines, là, à peu près 3 semaines. Ça veut-tu dire que le petit gars, son enfant, il est pendant 3 semaines prisonnier sans manger en dessous de l'échelle? En dessous du plancher? Ouais, c'est ça, je me suis posé comme question. Je veux dire, le temps n'est pas logique, là. Tu sais, il y a un espace-temps vraiment trop flou. Après ça, c'est comme fuck, il a été perdu pendant. Ça fait 3 ans qu'on pense qu'il est mort, mais finalement, il est pas mort. Fait que cool, on réhabilite, on lui donne un costume, on lui donne une belle coupe de cheveux, puis c'est beau, va-t'en. Ben non. Tu passes par des psychologues, tu vas dans les médias, tu retournes sur la planète Terre, vu ce que tu as vécu, tu restes pas dans ce vaisseau-là. Ben, peut-être que c'était ça qu'il avait l'intention de faire. Et pas. Moi, je trouve qu'il y a des échappatoires dans le scénario, encore une fois. Mais beau, mais c'est vide. Mais oui, mais cette finale-là a pas gâché le film pour moi, mais a fait que ça s'est fini avec un pouet-pouet. Ben ouais. C'est parce que ça reste que le film, là, c'est l'histoire de deux personnes sur une planète qui vont apprendre à travailler ensemble. Oui, ok, oui. C'est sûr que cette scène-là, puis ce troisième acte-là, est faite pour nous montrer la transformation de Dennis Quaid. Qui est passé de « Oh, toi, t'allais tuer! » à « Je vais risquer ma vie, puis je vais aller tuer des humains pour sauver ces gens-là. Ouais. » Tu sais, la progression du personnage est claire. Tu sais, t'as pas plus clair que ça, t'as pas plus deux extrêmes que ça. Mais je pense qu'il y avait moyen de nous montrer cette progression-là de façon beaucoup plus subtile et moins dans « Hey, ça fait une heure qu'il y a personne qui a tiré du gun, ce serait intéressant d'avoir du monde qui va mourir. » Ben oui, drette ça, tu sais. Sortons les chapeaux, les bottes de cuir, le veston long et allons combattre, là. Ouais. Tu sais, c'est. Ah non, c'est malaisant. Puis, tu sais, c'est ça, c'est. Ils sont juste sur une planète pour aller sortir de la roche. Tu sais, il n'y a même pas de pétrole. Y a pas... C'est pas des diamants, c'est de la roche. Fait que t'as l'impression que c'est juste de l'abus. Il n'y a personne qui questionne qu'est-ce qu'ils font. Les créatures sont sous terre, il y en a plein, puis ça a l'air bien normal, comme s'il n'y avait pas de problème. Dans le sens où. Tu sais, il y a la révolte par le nombre aussi, là. C'est 4 humains pour 200 créatures, je sais pas, là. Il va bien boire des guns à m'amener, pognez-vous ensemble, ben, ça va marcher. Et voilà, tu sais, fait que il y a toute cette espèce d'idée qu'il manque d'humains pour que ce soit crédible que ça fonctionne. Mais s'il y avait plus d'humains, mais Dennis Quaid réussit pas à les sauver. Je sais, mais je te dis, si on se dit que c'est une guerre sans fin, moi dans ma tête, là, ces créatures-là ont probablement des camps de travail avec des humains aussi. Moi, dans ma tête, c'est des deux bords. La fin, là, la dernière scène finale avec Peace on Earth, là, tu sais, Peace, tout le monde est heureux, puis c'est sur le bord de l'eau, puis Away, tout le chose, les chants lyriques, on le fait aussi sur Terre. Fait que moi, dans ma tête, ces créatures-là ont probablement des camps de travail avec des humains aussi. Fait que c'est donnant-donnant, dans le sens où c'est une guerre sans fin. Mais tu sais, on peut-tu se dire, OK, guys, ça n'a juste pas de bon sens? Tu sais, on peut-tu se dire, OK, je vous libère, là, mais vous m'amenez sur votre planète, puis vous montrez les camps de travail, vous libérez les humains? On peut-tu se dire, à partir de là, c'est le point où tout va bien aller? Mais c'est pas ça, c'est juste comme, ben, Dennis Quaid de sauver la situation. C'est ça. Bon. Ben, tu vois, c'est pour ça, l'idée des camps de travail, puis tout ça, c'était pas une bonne idée. C'était juste pas une bonne idée. Moi, j'aurais voulu voir Dennis Quaid se faire sauver avec ce petit extraterrestre-là. Puis le petit extraterrestre se faire maltraiter par les humains sur le vaisseau-mère. Puis là, il est sur le vaisseau-mère, puis il faut qu'il le sauve. Puis qu'il va essayer d'aller le ramener sur sa planète. Puis tu sais, ou qu'il va essayer de convaincre les humains de « Checker, là, j'ai passé du temps avec eux autres. » Puis, tu sais, qu'il trouve une solution à amener le dialogue de paix. Parce que ça servait juste à ce que, ben là, moi, je peux retourner avec les terriens, puis toi, tu peux retourner avec ta gang parce que je viens d'en librairie une coupe, fait que je vais envoyer un code morse dans l'espace, ils vont venir vous chercher, vous prendrez lui avec. C'est ça, là. Mm-hmm. C'est ça, tu sais. Et c'est ça. Il manquait d'une finale qui était plus peaufinée, puis mieux écrite. Puis tu sais, je dis pas que je la connais, cette finale-là, là, puis que... Tu sais, des fois, t'écoutes un film, tu fais comme, « Hey, je le sais comment que ça aurait dû finir. » Puis là, tu l'as tout écrit dans ta tête. Je sais pas c'est quoi la solution, mais c'était clairement pas cette idée-là. C'est ça. Mais moi, j'ai trouvé ça que c'était de même pas mal tout le film. Tu comprends? Je trouvais... Toi, t'as aimé le E.T. en scène, mais moi, je trouvais que c'était pas une bonne idée. J'aurais aimé ça qui se réconcilie. Christian Lagon Bleu, Steve vire les deux gays pis sont heureux, je sais pas, mais j'aurais aimé ça à que 85. Les... Je sais! Mais je trouve que ce film-là, comme je te dis, il reste en surface, puis là, ils mettent un bébé, parce que, hey, un bébé, c'est donc ben plus facile à aimer que l'autre qui est devant toi. Tu sais, c'est ça, là, le bébé est plus facile à aimer que l'humain qui est équivalent, le E.T. qui est ton équivalent. C'est ça qui me gosse. C'est que il y avait un scénario pour dire que tout le monde est équivalent, mais non. C'est encore par la bouche de l'enfant qu'on se réconcilie. Oui, mais c'est facile, le style, là, tu sais. C'est cute. Oui. Ben, moi, je pense qu'il était quand même réconcilié avant la naissance de l'enfant. Oui, c'est sûr. Tu sais, il disait qu'il ne peut pas survivre. Quand il se fait mal à la jambe, il dit on peut pas survivre. T'sais, il va un site de crash, puis là, il va des canettes de Pepsi, il est super content, puis rien, puis il dit pas, puis il dit, hey, on peut pas survivre l'un sans l'autre. Pire, on va avoir besoin de l'autre. Pire placement de produit ever. Tellement. mais c'est ça, tu sais, puis en plus, les canettes sont vides, fait qu'ils se désaltèrent même pas, fait que c'est comme du Pepsi. Il est comme malheureux de pas pouvoir boire du Pepsi, là. Là, tout un goût de faire comme, tchit, moi, je suis capable. Ah, non, ça, fait que c'est ça, petit bois de coke d'en face. C'est ça. Fait que là, c'est... Je trouvais que le film prenait des raccourcis, prenait des facilités, prenait Dennis Quaid. c'est quoi? Dennis Quaid, c'est un synonyme de raccourci et facilité. Et voilà. Ben oui, parce que tout est dans sa face. Il est en colère. On est en colère. Il est perplexe. Il est perplexe. Tu sais, c'est comme très, très évident. Mais tu sais, c'est ça. Je trouvais que le film prenait des directions dès le départ. Facile. Tu sais, je sais pas. Moi, il m'a pas allumé ce film-là. Il m'a vraiment pas allumé. Là. Pour vrai, là, tu dis qu'il y a des fins qui sont meilleures, mais moi, tout le long du film, je fais ah, moi, ça, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pas fait ça. Est-ce que mon film aurait été meilleur? Je sais pas. Je l'ai jamais fait. Mais au niveau de la direction photo, puis du maquillage costume, il est incroyable, le film. Là. Il est incroyable. C'est très, très beau. Ben oui, puis tu sais, tu le vois que c'est tourné en studio, mais c'est pas grave, les éclairages, les angles de caméra, les prises de vue, c'est beau, c'est le fun, tu t'en fous du studio. Tu sens pas la limitation du studio. C'est ça, moi vraiment, ce que je sens la limitation, ben c'est sûr que la scène où c'est l'hiver pis les gros arbres ils crashent, tu sens qu'il y a 4 ans, ça va être ça qui sont tombés, là. Mais ça c'est plus cocasse que dérangeant. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'on n'est pas allé à fond dans les relations. Je trouve que c'est ces deux-là qui auraient dû s'entendre plus que « Tiens, je te donne mon fils, prends-en soin. » Je suis d'accord. Je suis d'accord que ça n'avait pas besoin d'aller jusqu'à l'enfant. Puis ça pouvait rester avec eux autres jusqu'à la fin. Tu sais. Mm. Mais c'est ça. T'as nommé des erreurs, puis tu sais, je pense pas que c'est la faute à Wolfgang Peterson, non, le scénario non. De tous les films qu'il a fait, mais tu sais, tu nommais des failles qu'il y avait dans 3 pour aller exprimer son propos, puis ça reste que c'est un camp de travail-là à la fin, oui. Puis l'abus que les humains font des extraterrestres, ça fait encore partie de tout son propos que le film y a le goût de donner. Exactement. T'sais. Exactement, c'est pousser un propos en y amenant des scènes puis des objectifs de scénario. C'est pousser un propos avec des objectifs de scénario. Alors que ça aurait pu être intéressant que, pourquoi pas ne pas découvrir que dans le troisième acte, là, ces extraterrestres-là, ben ils sont cruels aussi. Puis tu sais, puis ils sont méchants aussi. Mais que Dennis Quaid, rendu là, il se dit, garde, je t'en veux pas à toi. Tu sais, puis qu'il y a deux. Regarde, on l'a notre film, là. Mais c'est ça! Tu sais, ça se passe entre les deux. Finalement, le fait qu'il y ait un enfant, ça lui permet de communiquer avec sa planète pour X ou Y raison, parce que les enfants ont ce don d'avoir un lien ombilical, tu sais, un lien de connexion direct avec la planète, ça dure le temps de 6 mois. Tu sais pas, Chris, les extraterrestres, tu peux inventer? Lui, il a fait par exprès. Lui, il s'est forcé pour tomber enceinte puis enfanter parce qu'il sait qu'un enfant, ça crée un lien direct avec la planète. Là, Dennis Quaid est en tabarnak parce qu'il se dit « t'aurais dû le faire dès la première journée, t'aurais pas dû attendre », puis il fait « non, j'attendais qu'on se comprenne puis qu'on communique avant parce que je veux te faire voir qui qu'on est au complet. Je t'amène sur ma planète, je me rends compte que tu tortures des humains puis tu fais « garde, moi j'en torture pas, le bébé que j'ai en torture pas, eux en torture, qu'est-ce qu'on fait? » Ah, ben, on va retourner sur notre planète. Ah, finalement, c'est notre planète. On torture de vos créatures. Chris, on est deux belles gangs d'épées. On peut juste vivre, nous deux. Fin. Il y aurait eu de quoi, là? Il y aurait eu de quoi de montrer que la guerre est ni blanche, ni noire. Puis, tu sais, qu'il y a des zones grises des deux bords. Ils l'ont pas fait pantoute, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est le défaut de ce film-là. C'est le gros défaut. Parce que avant cette finale-là, malgré le début, on pouvait s'en aller dans un propos de ce genre-là. Mais cette finale-là vient gâcher tout ça. Oui, mais encore là, il faut que tu te représentes dans Dennis Quaid. Non, mais blague à part, là. Blague à part. Blague à part. Tu sais, je veux dire, faut que tu... Je sais pas comment dire, mais faut que tu dises que toi, t'es lui. Oui. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il faut que tu aies une projection dans le personnage, sinon tu ne te ressentiras pas de ça. Tu ne ressentiras pas comme... Tu sais, parce que nous, on n'est pas les méchants qui torturent. On est Dennis Quaid qui vient d'avoir une illumination. Mais il faut que tu l'établisses. Parce qu'au départ, Dennis Quaid est aussi épais que les autres, là. Oui. Il y en a un esclave enchaîné chez eux, là. Puis il n'a jamais voulu apprendre sa langue, là. Tu sais, hey, t'imagines-tu si ce film-là avait eu un petit peu plus cette intelligence-là de montrer que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, à quel point que en 2017, il aurait été encore hyper pertinent avec tout ce qui se passe présentement? Ouais. Vraiment. Tu sais, oui, il est encore... Ce film-là nous dit... c'est pas parce qu'on est du bord des humains ou des Américains, mettons, qu'on est les gentils. Mais ça aurait été encore plus fort de dire dans une guerre, il n'y a ni gentil ni méchant. T'sais. Ouais. Ben oui. C'est ça. As-tu autre chose à dire là-dessus? Ben, je pense que moi, j'ai bien fait le tour de ouais. Moi, j'ai pas. Ben écoute, je pense que... Ouais. Regarde, tu vois, Vicky, même si on n'était pas d'accord sur ce film, ça a été une harmonie de discussion. Oui, mais je suis pas tombée enceinte, par exemple. Mais moi, si je me regardais le bedon, je pourrais peut-être penser que oui. Oui, parce qu'à la fin de cet épisode, de Sébastien enfanta. Oh, wow! je vais te demander ta recommandation, Vicky, mais je pense qu'on la connaît. Ah, mais s'il passe sur Cinépop puis tu le payes pas parce que t'es déjà abonné puis on est genre un dimanche à 1h, ben, faut à toi sur ton sofa, là. Il pleut, tu sais, pis t'es déjà foiré sur ton sofa pis tu zappes, là. Bah, tu sais, ça peut être. Non, même, là, moi, ça me fait très énorme, là. Mais, je sais pas, tu sais, je pense que ce film-là a connu ses fans et ses adeptes. Mais, t'es... comme j'arrêtais pas de le dire, si t'es rendu à ce moment-ci du podcast, tu l'as déjà vu. Oui. Fait que moi, la recommandation, ce serait de vous me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que j'arrête pas de dire, à ce moment-ci, vous l'avez déjà vu. Fait que je vous recommande ou pas de le voir, on s'en sacre. Mais viens me dire ce que toi, t'en as pensé. Moi, c'est ce que j'aimerais. Je viens quand même de me rendre compte que la pochette du film vole le punch de l'enfant. Ben, en tout cas, tu vois quelqu'un tenir un extraterrestre plus petit dans ses bras. C'est, ça peut être... Okay. En tout cas, c'est... puis tu n'es même pas capable de reconnaître Dennis Quaid sur le dessin. Moi, j'irais avec un achat parce que le DVD est quand même pas très cher. Il se trouve à 7$ sur Amazon. Vous, si vous ne l'avez pas vu puis que vous nous avez tout écouté, vous savez à quoi vous attendre. Je pense que c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Moi, n'étant pas non plus un fan de Dennis Quaid, le film que je préfère de Dennis Quaid, c'est Dragonheart. Draco, la légende du dernier dragon. Oui, c'est qui m'énerve là-dedans? Bon, tu vois, moi, c'est ce correct. Qui m'énerve? Mais le pire, c'est qu'il est arrogant puis il a tout ce même genre d'attitude-là. Mais je sais, ils choisissent pour un personnage comme ça. Bon, cet acteur-là est choisi pour une arrogance naturelle. J'espère qu'il est fin offset parce que calice. Oh, mais moi, tu vois, avec Draco, Enemy Mine vient de tomber dans mon top 3 de la filmographie de Dennis Quaid, autant que je peux apprécier la filmographie de Dennis Quaid. C'est bien dit? Le pire, c'est que dans Draco, il est arrogant, mais le roi est pire. Oui, le fait roi, que finalement, il est correct. Dans le roi, man, tu veux le... Tu sais, puis le roi, il se promène toujours les babines un peu serrées en cul de poule dans les airs, là, ou comme ça, là, tu sais, du dog face permanent, là. Puis reste que Dennis Quaid, je l'ai haï quand même. Hey, j'y pense, là, Draco, là, ça reste quand même Dennis Quaid qui veut absolument aller détruire tous les dragons, mais après être pogné avec un dragon, il va apprendre à l'aimer, puis à combattre pour lui jusqu'à la fin. Ben, c'est ça. Hein? C'est ça. Dennis Quaid est bon pour faire ça. Nous montrer que c'est un bad guy, mais que finalement, il est capable d'apprécier les gens pour ce qu'ils sont. Et voilà, il reste à gratter un peu et Dennis Quaid a le grand cœur. Bon, ben moi, je considère que ça peut être un achat. Si vous généreux. Trouvez pas trop cher. Sur ça, on va généreux. Passer en... Ouais, excuse? J'ai dit t'es généreux. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Sur ça, on va passer en musique. Je reste dans la thématique de la musique électro des années 80, parce que, bon, on est dans les années 80 avec ces films-là, puis ça fit. Alors, on va y aller avec la chanson Testarossa Autodrive de Kavinsky. Ça vient de son album Hot Run, et on se voit après pour la conclusion de l'épisode. Conclusion de cet épisode à Vicky, même si on était juste deux, ce fut un épisode quand même complet. Quand même complet. Avec, merci JF pour ses suggestions de films. Mine de rien, ça a été une belle discussion. Je suis content. Avant qu'on parle de tout ce qui s'en vient, Vicky, toi, il y a quelque chose de gros qui s'en vient à la capsule. Trois bières? Ben oui. Ben oui, je suis assez contente. Je reçois le podcast 3 bières à la capsule. Pour l'instant, ça lève pas beaucoup. Je te dirais une vingtaine de participants, une soixantaine d'intéressés. Ça, c'est un traditionnel événement. Je trouvais que pour cet événement-là, on devrait lever pas mal plus que ça parce que c'est quand même 3 bières à la capsule. Ouais. Tu sais, c'est 3 bières à Sherbrooke, là. Il devrait... Je pense qu'il devrait dire c'est qui leur invité surprise comme ça. Peut-être que ça inciterait tout le monde à y aller. Surtout que pas mal pense que c'est Jeff Provençal. Là. C'est vraiment Jeff Provençal, je pense que... C'est parce que, tu sais, Mike Warren et même eux n'arrêtent pas de le dire qu'il n'y a rien de pire qu'être un invité surprise dans le sens où si tout le monde s'attend à Jeff Provençal puis tu donnes quelqu'un qu'on connaît pas, les gens vont être déçus. Puis le mot commence à se passer. Effectivement, tu as raison. Ceci dit, moi, mon fournisseur de bière, c'est Boréal. Et Boréal embarque dans le game à fond. Ils vont me fournir un baril d'une bière saisonnière qui est deux fois le prix de ce que j'achète d'habitude, que je pourrais même pas me permettre. Ils me le donnent gratuitement. Fait que la promo, ça va être ta troisième bière gratuite, mais c'est pas genre Seb en prend deux puis la troisième est gratuite, là. C'est pas des cartes café que je donne, là. C'est vraiment que tu payes la tournée à tes chums, t'achètes trois bières, le deuxième payera la tournée, il en achètera trois. Fait que faut que sur ta facture, tu m'en achètes trois tout de suite. Tu pars avec tes trois bières, ben t'en as une gratuite, t'en as payé deux sur trois. C'est du 3 pour 2. C'est ça, exactement. Fait que gros Christy promo 3 bières, là, ça risque d'être fucking nice. La promo sa bière, ça va être drôle. C'est un show d'humour, là. Un show d'humour, là. Oui. Ça, c'est hot. C'est hot. Très, très cool. Je suis vraiment content. C'est un bel événement pour vous autres. Moi, de mon côté, j'ai publié mon... Oui, excuse, t'as l'air d'avoir d'autres choses. Parce que je vais plugger quand même quelque chose de vraiment horreur pour nos fans qui écoutent. Tapez sur Google Maud Michaud, les productions ou les films Maud Michaud. Maud Michaud a présenté un film à la capsule hier, donc le 20. C'était une soirée vraiment sur ses courts-métrages horrifiques, dont le long-métrage. Personnellement, je trouve que son long-métrage n'est pas assez horrifique. Il est super bon, mais pas assez horrifique. Ceux qui sont fans de Thanatomorphose, on est vraiment dans le même style que notre Thanatomorphose. Pas au niveau de la décrépitude du corps humain, mais au niveau du huis clos. Je trouve qu'elle s'attarde un peu trop au huis clos, un peu trop drame humain, pas assez au gore et horreur à comparer de Thanatomorphose. Reste que c'est un film super intéressant. Mais si j'en pense, c'est que Maud Michaud a son site internet et tous ses courts-métrages sont offerts gratuitement à tous les fans d'horreur. Fait que là, on parle d'une réalisatrice québécoise qui fait exclusivement dans l'horreur, qui offre tous ses courts-métrages horrifiques. Elle a fait les festivals Fantasia, Space, Name It, et c'est fait en anglais avec sous-titres français ou anglais. Fait que c'est vraiment accessible. Si vous parlez en anglais ou français, c'est accessible parce que c'est dans les deux langues. Généralement, en anglais sous-titré, mais on s'entend que, tu sais, Toothpick, je pense qu'il y a même pas de dialogue. Il y en a un, ça s'appelle Toothpick, comme cure-dent, là. Ouais, il y a même pas de dialogue. Fait que si vous tapez Maud Michaud, je pense que ça s'appelle les Quirk Films, mais je suis pas sûre. Mais Maud Michaud, réalisatrice de cinéma québécois, là, vous allez tomber sur son site web, je suis assez sûre, sur Google. C'est tout ça, tu l'as-tu trouvé, Quirk Films? Quirkfilms.ca. Et il y a un shitload de courts-métrages réalisés par elle. Comme je dis, son long métrage, il est pas mauvais. C'est juste pas ce à quoi je m'attendais, mais reste que la réalisation est impeccable. Donc, je crois que tous ces courts-métrages sont à voir et ça s'adresse aux fans d'horreur qui nous écoutent. Cool. On essaiera de publier ça sur la page du podcast. Moi, depuis le temps que j'en parlais, il y a eu un semi-retour de Fun Regarder Films, c'est-à-dire qu'on a présenté notre premier, appelons ça un démo, épisode pilote de nos critiques. À moi et mon collègue Fred en voiture, on appelait ça cinéphile au volant. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va au cinéma, on se filme tout le long qu'on va au cinéma et on se filme en revenant du cinéma, comme on faisait d'habitude. Donc, en s'en allant au cinéma, on parle de nos attentes du film, de ce qu'on a aimé, si jamais c'était une suite ou quoi que ce soit, ce qu'on a aimé des autres. Puis quand on revient, ben, on fait notre critique à fret. Ça n'a rien à voir avec l'horreur, évidemment, c'est fun de regarder des films. Cette semaine, on va aller voir Alien Covenant, fait qu'on va, on va vous jaser un peu de ce qu'on en pense. On a fait une critique d'un film totalement inconnu. Allez sur notre page Fun de regarder des films, vous allez trouver ça. Cherchez-nous sur Facebook. J'essaie de retravailler pour des nouveaux épisodes de réguliers de la web télé. Sinon, ben, on a des gens à saluer. Nos Patreons. Bien sûr, bien sûr. On en avait en ligne ce soir, toujours rendez-vous. On avait entre autres David et Véronique qui étaient là. On les remercie beaucoup parce que c'est toujours le fun d'avoir des gens qui sont là pour nous écouter. Mais sinon, on a toujours nos familles Patreon à saluer. J'ai nommé Tommy Boy. Salut Tommy. Et notre copain aussi, Marc-André Lavigne. Donc, ils ont eu pas mal de stock bonus encore une fois ce soir. Ils peuvent nous jaser tout le long des épisodes. Donc, si ça vous intéresse, allez sur notre page Patreon. David Michaud, il commande déjà pour le sujet de dans 2 semaines parce qu'il sait. Il est déjà au courant, lui, il a la chance d'entendre dans pause de quoi qu'on veut parler. Fait qu'il sait déjà, puis il est déjà en train de commenter pour le prochain show. Vous voyez, là, comment c'est le fun d'être Patreon? Ben oui, quand ils sont au courant de tout ce qui se passe. Vous autres, vous savez pas tous les secrets qui se disent là-dedans, mais lui, il est une coche avant vous autres. Mais non, c'est ça, c'est que, oui, ben tant qu'à parler des Patreon, c'est que pas le prochain show, mais l'autre show, on veut faire une shame list spéciale, mettons. On veut faire une shame list de Patreon. C'est que dans le fond, tous nos Patreon ont le droit de nous suggérer deux films de leur shame list. Et on va choisir deux films parmi tous ces films-là. Et ce sera nos films de l'épisode spécial shame list Patreon. Donc, il n'est pas trop tard pour aller dans nos Patreon, d'aller sur la page Patreon, vous abonner pour pouvoir nous suggérer nos... Vous avez deux semaines. Oui, deux semaines, parce que dans deux semaines, à l'enregistrement du prochain épisode, on va choisir les films dont on va parler. Et aussi, surveillez, parce que bientôt, on va avoir un concours. On ne sait pas encore quoi. On sait qu'on a un concours qui s'en vient, mais on cherche encore le prix, vraiment. Puis tout ça, c'est grâce au Patreon ou aussi à ceux qui achètent sur Amazon.ca. Qui nous ont permis de ramasser des sous de surplus pour aller faire un concours. Et pour notre prochain épisode, Vicky, c'est ton on revient avec les shame lists. Je pense que les shame lists, c'est toujours Fun. C'est ça, puis tu sais, c'est cool parce que maintenant, t'écoutes à toutes les fois Horror Gamer, puis t'as l'impression qu'on passe à côté de ton film. Là. Ça fait plein de fois qu'on discute d'un genre de réalisateur, tu dis, Chris, vous parlez jamais de ce film-là. Mais là, c'est easy, là. Tu vas sur Patreon, tu donnes 2$, tu donnes tes choix. Puis tu dis, là, si vous en parlez pas, je retire mon 2$. Il y a du pouvoir d'achat, là, ce 2$-là. Là. Il y a du pouvoir d'achat. Vraiment. Mais là, ça va aller avec ma shame list avec Nightbreed et From Beyond. Puis, je me souviens juste des titres, je me souviens plus du reste. Fait que... Mais tu te souviens pas pourquoi tu as pris ces deux films-là? Parce que c'est des titres qui reviennent souvent, parce que je pense que c'est From Beyond, que j'ai un gros fan dans la capsule qui m'en parle souvent, fait que tu sais, je suis comme dû pour l'écouter. Nightbreed, je pense que c'est Simon Predge qui en parle souvent. Simon Predge aussi qui a donné une conférence à la capsule dont j'entends encore parler tellement que c'était génial. Fait que tu sais, je me dis que je suis dû là. Good, ben tout. Écoute, j'ai déjà vu From Beyond. J'ai hâte de le revoir et lui redonner une deuxième écoute. Et Nightbreed, je connais, mais je n'ai jamais vu, donc j'ai vraiment, vraiment hâte. Puis, est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Je crois pas. Ben, espérons que GF et... GF, on sait pas, mais espérons que Steven soit là au prochain enregistrement. Je pense que ça va être deux films qui vont beaucoup l'intéresser. Ouais, moi aussi, je pense. Oui, on va leur dire un coucou. Allez, manquez pas le bras de fer des films. Steven, qui est avec Sylvain Demanti pour en remplacement de GF pour toujours jaser de films. Et sinon, la séance de minuit, le podcast que Steven anime et co-anime avec Marc-Antoine Labonté et Jean-François Ouellette, je crois. Donc, manquez pas ça. Ils ont fait une rétrospective dernièrement de la série Alien. Pour la sortie d'Alien Covenant, donc très intéressant. Sur ce, Vicky, ben je vais dire au revoir. Ben oui, au revoir. Au revoir, Vicky. Et on garde ça horreur. Hey, oubliez pas, garde ça horreur, s'il vous plaît. Hey, fallait pas faire des suggestions. On a complètement oublié. Ouais, ben ma suggestion, allez voir Alien Covenant. Ben, c'est surtout un film de science-fiction. Ben c'est ça, sortez au cinéma un peu, Steve. Bon ben si on veut, j'y vais avec Dennis Quaid, puis un film de science-fiction. Non! Oui. Non! C'est-tu Dennis Quaid? Inner Space? Je sais pas. Inner Space, c'était... Bien, ça, à nos téléphones. À nos téléphones, nous allons chercher, nous entendons le clavier Dennis de Quaid, Steve. Merci. Avec Meg Ryan, Dennis Quaid et Martin Short, réalisé par Joe Dante. C'était excellent. C'est excellent. Non. C'était excellent. C'est pas parce que c'était Dennis Quaid que c'était pas excellent. Il se ramasse dans le corps de Martin Short. Tout le monde voudrait se miniaturiser pour aller dans le corps de Martin Short. Ouais, mais tu sais, Dennis Quaid n'est pas capable de se miniaturiser, voyons. Il n'est pas capable d'être mini lui. C'est sa tête qui passe pas. Il a dit, garder sa horreur dans la tête de Dennis Quaid. Oh oui. Bye bye.